Alors, Helmut, un peu plus. Ah, mes amis, quelle soirée douloureuse j'ai passée hier. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai la solution et je l'ai proposée pour réduire le déficit de la Sécu. Et c'est très sérieusement à l'étude. Je vous rappelle que j'ai proposé de faire liquider les vieux âgés de 70 ans et plus. Mm-hmm. Je me devais donc d'annoncer la nouvelle à Jean-Paul et Valérie, mes deux copains vieillards. Je vais commencer par un petit coup de fil au Vatican. Allô, JP, c'est Helmut. Qu'est-ce que tu veux, sale boche? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ah, enfin, t'as mon shit. Non, non, c'est pas ça la nouvelle. Je t'appelle pour te dire que j'ai proposé que tous les vieux âgés de 70 ans et plus soient euthanasiés. Et ce, pour réduire le déficit de la sécu. Hmm? Allô? Allô? Jean-Paul, t'es toujours là? Allô? Bordel, dis quelque chose. Enculé de boche. Il a raccroché. Bon, restez Valérie, je l'ai donc invité chez moi pour l'apéro. Assieds-toi là, Valérie, tu seras bien. Où ça, là, y a pas de siège? Ben là, ici. Porteur? Mais oui, porteur, la dernière fois que tu t'es assis sur le canapé, t'as pissé dessus. Écoutez, je trouve que vous êtes fort désobligeant. Vous savez, à mon âge, c'est un problème courant. Ah ben, ça tombe bien que tu parles de ton âge. J'ai un truc à te dire. J'ai suggéré à la sécu de faire des économies et de supprimer les vieux, vieux qui coûtent une fortune. Helmut, vous êtes un grand malade, doublé d'un fasciste, triplé d'un bel enculé. Quoi? Comment tu me parles, Valérie? Tu me fais beaucoup de peine, tu sais. Si un jour on m'avait dit que tu me traiterais d'enculé, on m'a appelé. Non, Zouzou, viens pas ici, t'inquiète pas, c'est pas toi qu'on a appelé, reste chez toi. Y'a pas de merde. Oh, celui-là, là, vient de nous déranger toujours au mauvais moment. Valérie, ma proposition est à l'étude, je voulais juste que tu sois prévenu avant tout le monde, c'est tout, c'est une question d'éducation. Et c'est à quel âge qu'on se fait piquer? 70 ans. Oh, t'as de la chance, mon vieux, hein. T'as eu du rab. Ça te fait quel âge aujourd'hui, Valérie? 108, 130. Helmut, vous êtes ridicule, j'ai 78 ans depuis 9 jours. Bon, ben ça fait 8 ans que t'es en sursis, c'est déjà pas mal. Mais bon, mon petit Helmut, j'ai rien à foutre. Comment ça? Parce que je te rappelle que je suis à l'Académie française. Je suis immortel. Dans ton cul, Helmut. Bon, comment ça dans mon cul? C'est pas bientôt fini de m'insulter? Dans ton cul! Putain, mais c'est pas possible! Et on m'a appelé, oh! Non, Zouzou, reste chez toi, tu vas pas venir nous emmerder chaque fois qu'on parle de cul. Y'a pas de merde! Oh. Allez, Valérie, je suis désolé, mais il va falloir que tu passes à la casserole. Ah, sans rancune, les gars, je m'en fous, je suis immortel. Et il s'est barré en sifflotant, le vieux crabe. Bon ben j'ai prévenu mes vieux, maintenant on verra bien ce qui se passera. Je vous laisse, je vais chercher mon cousin Gunther le barbare à Roissy. Et les fans de Claude François, je l'ai promis de l'en venir voir, podium. Je vous raconte tout ça demain. Allez, au revoir.